l'homme qu'on appelle Kidja. Alors, comme un petit zotti cartel en moi. Non, cartel en moi, c'était 8 millions pour loger. 9700 Bastet. Et ça, mon petit zotti, c'est qu'elle. Ouais. Cartel a des good, good, good, my friend. Les mecs garçons, j'ai au même pas ni pour mauvais l'idée. Cartel a des good, good, good, my friend. Eh bien, nous bon, ok, ça t'est servi. Cartel a des good. My friend, pas j'en fâche chez nous, toujours t'es qu'à partager. Cartel a des good, good, good, good, good, good. Car moi fais-y les amis, cartel a des good, nous pas créer bon ennui. La ville a des belles, nous toujours t'es qu'à point well. Songez-les, nous t'es qu'à vivre à des mille en l'air. Ouais, le roi à toi rivière, nous t'es qu'à y faire souhait là. Car moi c'est virage là, attends, c'est dit que ça cabrera. Pas t'es qu'à vrai danger, nous t'es qu'à point pied là. Merci pour tes selles. Les autres Suzanne et sujet des cas couille couille couille derrière nous. Mais tout ça c'était fouille fouille pourri. Eh ben yo, hey, Roger, assaisonné c'est la denna. On souhait là nous qu'à manger un papier mango pomme là. Ou occupé ou qu'à descendre à dents château de l'eau là. Pas fun, nous qu'est boué plus tard. Nous tenis les plus belles plaies. Pas la peine d'aille ouais ailleurs. Oh à nous c'est femme là des belles qu'à butiner qu'on des abeilles. Si t'es ni en butin à faire c'est fait. Même en bas fait. Ouais, même en bas fait. Pas de paix des sons de bord, ils viennent l'ennui qu'on la journée. Nous t'es piquer des têtes et d'autres t'es cabaret manger. Organiser depuis des semaines, nous pas t'es qu'à manquer d'ailleurs. C'est vrai, la ville a des belles pour nous et ça qu'à manquer moins. Non, non, des misères politiciens ou subventions à la mairie. Nous fait tout bite et tout seul. De terrain à football, bon cas, ça va t'en foutre, vous saillez tout ça. Mais tout le monde met en tigraine sel. Après l'effort, le réconfort, nous t'es qu'à monter, qu'à mon yo-yo, pour nous BHG, on dit qu'on qu'à frapper. Sinon, t'es qu'à jouer mon domino, on domino. À l'eau chaude, tu l'as là, t'es toujours en bas, soleil chaud. Les lambutes là, t'es qu'à tomber. Nous t'es là, t'es qu'à ciser, t'es qu'à songer ça qui passait dans la journée. Eh, je suis à la bicyclette, en gravois ou même en skate. Au Jean-Luc, virage là, t'es dangereux. Montez vos mots à but, piqué payant des moignets. Vacances, ça y en boîte à des sirus. En parlant de vacances, t'as là, nous t'es préféré. Attends, tout, moi, qu'à tous, c'était Noël. Chat l'eau suelo, la sacabayan, attendant. Eh, popio, popio, oh, on nous ravine un premier suelo ou quoi? Oh, et si boulot, ça rapine après, direction les autres quartiers, mon frère. T'es qu'à faire la guerre pétard, boîte aux lettres, t'es qu'à péter. Surtout à boire au nez, parce qu'elle misait, t'es qu'à faire mon chier. Et de tout t'es qu'à couille, couille, couille, derrière nous, mais tout ça c'était couille, couille, couille, eh ben yo. Sinon, t'es ni les vacances de Pâques, nous t'es qu'à partir camper. Si plage à présidence, danse. T'es qu'à faire des bites sans sens, t'es qu'à parler de sous-couillant. Attends, minuit, mais pour voyant, chantant. Nous t'es fait, mais nous t'es qu'à faire quand même. Nous t'es qu'à faire bon ça fait, mais nous toujours rester honnêtes entre nous. C'était force en nous, en cartel en nous. Et là, la donne changer, nous passer, nous gratter. Lisa qui qu'a taffé, et d'autres qu'a galéré. Les mots là, moi qu'a songé, comme moi qu'a frissonné. La ville a qu'a réservé, nous des surprises. On a tout nous qui est boué, même si Facebook nous qui est pas t'en parler de cartel en nous. Hey, my friend, hey, moi qu'à songer, moi qu'à songer. Cartel a des good, good, good, my friend. Là, moi qu'à songer, moi pas ni pour mauvais l'idée. Cartel a des good, good, good, my friend. Et bien nous bon, ok, ça t'est sérieux. Cartel a des good, good, good, my friend. Pas j'en fâche, nous toujours t'es qu'à partager. Cartel a des good. Good, good, good, good, good. Cartel a des good, good, good, my friend. Les mecs sont chez moi, pas ni pour mauvais l'idée. Cartel a des good, good, good, my friend. Eh bien nous bon, ok, ça t'est sérieux. Cartel a des good, good, good, my friend. Pas j'en fâche, nous toujours t'es qu'à partager. Cartel a des good, good, good, good, good, good. Alors les gars, ignore l'hôpital d'un cosy cartel. Mais ni n'en veut pas oublier. Parce que pour tout ça galérer, nous galérer pour ma chien. Quand il a l'air, ça fait un chien là. Ah ouais, parce que entre ta Jérémy, ta Youssef, et surtout ta Raël là, les Allemands là qui t'ont empêché nous voler quelques couilles dans le quartier là. Hein? Eh ben ouais, on a big up quand elle là même.